Le comité central de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée a envoyé le 22 août une lettre à la Société de la Croix-Rouge de la République de Corée. Il note « Comme vous le savez, nous avons demandé plusieurs fois à vos autorités de renvoyer sans condition nos citoyens enlevés et de faire pour que les familles des victimes rencontrent leurs enfants à Séoul selon leurs désirs. Les formations de différents paliers du côté sud, des institutions de l'ONU et formations internationales des droits de l'homme aussi, exigent l'entrevue de nos citoyennes avec l'avocat et la rencontre avec leurs familles. Mais vos autorités détiennent injustement pendant plus de 4 mois nos citoyennes enlevées. Sans rester à recourir à la conversion en faisant grand bruit d'une soi-disant désertion volontaire, elles ont annoncé il y a quelque temps qu'elles se sont installées dans la société. On ne peut le qualifier que de complot visant à éviter les critiques de l'intérieur et de l'extérieur du pays contre la détention de nos citoyennes enlevées et la pression de l'opinion publique qui demande leur renvoi inconditionnel, d'une part, et d'autre, cacher le crime impardonnable de kidnapping de l'agence de renseignement. Les autorités du côté sud prétendent que les filles nord-coréennes ont obtenu le statut d'homme libre, mais sous prétexte de la protection de leur sécurité, elles ne les présentent pas toujours devant le public et interdisent tout contact avec la presse, ce qui montre que leur annonce est tout à fait fausse. Ce qui suscite l'indignation, c'est que votre société de la Croix-Rouge, qui préconise la solution du problème des familles séparées et la coopération humanitaire entre le nord et le sud, garde le silence devant l'acte inhumain des autorités qui cherchent à séparer à jamais nos citoyennes de leurs parents et de leurs familles. Si votre côté reste les bras croisés devant l'acte inhumain et contre l'humanité des autorités, cela signifie en réalité la protection de l'acte inhumain et nous nous y opposons avec véhémence. Ne pas regarder à la réalité tragique où apparaissent de nouveaux proches et familles séparées en temps de paix n'est pas une attitude correcte de l'organisation de la Croix-Rouge attachée à l'humanitarisme sublime. Vous savez bien que le Nord et le Sud ne pourront discuter aucun problème humanitaire et des conséquences seront irréparables si vos autorités ne renvoient pas nos citoyennes détenues. Si vous vous intéressez vraiment à la solution du problème humanitaire entre le Nord et le Sud, vous devez prêter des efforts responsables et sincères sans plus tarder pour renvoyer nos citoyennes en République populaire démocratique de Corée où leurs familles attendent avec impatience. Dorénavant, nous suivrons de près votre attitude.